Chapitre 14e. Des larmes tombaient des yeux de Jeanne Barnard lorsqu'elle ferma la porte du cabinet de Sir Morton Blake. À ce moment, Miss Dorothée Blake traversait le vestibule. En apercevant le visage bouleversé de l'inconnu, elle se rapprocha de la pauvre femme et lui dit avec bonté « Vous avez de la peine. Ne puis-je rien faire pour vous ?» Sa voix douce et sympathique alla droit au cœur de Jeanne Barnard. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle. « J'ai un bien grand chagrin. » Je suis venu ici pour implorer l'appui de M. Morton Blake. Mais hélas, ma démarche est restée sans résultat. C'est Dieu, sans doute, madame, qui a permis que je vous rencontre. Car si vous êtes bien, comme je le crois, Miss Blake, que j'ai connue dans mon enfance, vous étiez trop compatissante alors pour ne pas l'être toujours. Venez dans ma chambre, et vous me conterez vos peines, pauvre chère femme, dit Miss Blake, d'une voix émue, en faisant entrer Jeanne Barnard dans l'élégant boudoir, qui servait de retraite à la châtelaine de Tingley Manor. Vous dites que vous me connaissiez déjà ? Oui, madame, je suis né tout près d'ici. Mes parents étaient locataires de M. Walter Blake. Vous veniez voir de temps en temps ma pauvre mère lorsqu'elle était malade. Elle me disait que votre présence lui faisait l'effet de rayon de soleil qui pénétrait dans sa chambre. Comment s'appelait votre mère ? Vargas. Le nom de l'assassin de mon frère ? Le nom du malheureux qui est incarcéré dans la prison de Hylea, en attendant qu'il subisse son châtiment, si personne, hélas, ne s'interpose pour le sauver. Je vous le jure sur l'honneur, madame, je n'aurais jamais osé franchir le seuil de cette porte, ni me présenter chez vous, si mon père était le meurtrier de votre frère. Comment pouvez-vous nous croire un homme innocent d'un crime dont il s'accuse lui-même, et que condamne les preuves les plus accablantes ? Jeanne Barnard plaida la cause de son père près de Miss Blake comme elle l'avait déjà fait près de Morton. En quoi puis-je vous aider ? Lui demanda Miss Blake lorsque Jeanne eut terminé son plaidoyer. « Ah, d'abord, en signant la supplique que Sir Nathaniel Witherden et Sir Everard Courtney ont rédigée. Sir Everard a-t-il réellement consenti à s'interposer en faveur de votre père ? Il a signé la requête. Si vous consentiez à y apposer votre nom et amener vos amis à suivre votre exemple, la peine de mort prononcée contre mon père pourrait être commuée et ses jours épargnés. Mais il existe encore une autre manière de me venir en aide, c'est de faire appel à vos souvenirs pour rechercher comme moi quel a été le meurtrier de M. Walter Blake. » Miss Blake tressaillit. « Si votre père n'est pas le vrai coupable, comment arriver à pénétrer ce mystère qui depuis 20 ans a déjoué toutes les conjectures, toutes les recherches de la justice ? Une volonté bien arrêtée triomphe de tous les obstacles. Je ne veux pas que le nom de mon père soit une cause d'opprobre imméritée pour mes enfants et pour mon mari. Aussi, je n'épargnerai rien pour arriver à mes fins. Je n'ai pas hésité à traverser l'océan pour atteindre ce but, et j'aimerais mieux mourir plutôt que de retourner à Boston sans avoir épargné à mon père l'ignominie de mourir sur un gibet et à ses enfants cette horrible flétrissure. » Il se fit un grand silence, puis Miss Blake dit à celle qui intercédait en faveur de son père avec tant d'énergie et de résolution « Eh bien soit. Non seulement je signerai la requête, mais je tâcherai de décider d'autres personnes à faire de même. La pendaison d'un misérable ne saurait être une compensation au regret que j'éprouve de la mort de mon frère. Quant à vous flatter que je peux vous aider à découvrir le véritable auteur du crime, c'est autre chose. Mon père m'a affirmé qu'un mystère terrible enveloppe le meurtre de votre frère. La vengeance aurait, paraît-il, été le mobile de ce crime. Ne connaissiez-vous pas d'ennemis à votre frère, Miss Blake ? Aucun, répliqua-t-elle. Mais tout en se disant... Ses yeux se portèrent involontairement vers le pupitre où elle avait pris le paquet de vieilles lettres qu'elle lisait le soir même où Vargas était constitué prisonnier. « Vous êtes bonne, très bonne. Mais il est évident pour moi, ajouta Jeanne Barnard, avec l'audace d'une Américaine plutôt que d'une Anglaise, que vous me cachez quelque chose. Comment pouvez-vous dire une pareille chose ? Je le dis parce que en Amérique nous n'avons pas l'habitude de feindre. Loin de moi la pensée de vous offenser, Miss Blake. Car j'ai gardé un souvenir à jamais reconnaissant de vos bontés pour ma pauvre mère. J'ai promis tout ce que je puis tenir en m'engageant à signer la requête. Enfin, au cas où vous auriez quelques communications à me faire, Miss Blake, voici mon adresse. J'ai loué une modeste petite chambre au-dessus de la boutique d'un marchand de tabac à Hylea. Merci de votre accueil. Merci pour ce que vous m'avez promis de faire. Je me recommande à vos bontés. Jeanne Barnard remit en partant à Miss Blake la carte commerciale de son mari, au bas de laquelle elle avait écrit son adresse en Angleterre. Après le départ de la courageuse fille de Vargas, Dora Blake resta quelque temps assise près du feu, plongée dans ses réflexions. Puis elle prit dans une élégante corbeille de satin capitonné son tricot et se mit à agiter ses aiguilles. Mais son esprit était trop surexcité pour s'absorber longtemps dans un travail manuel. Mettant son ouvrage de côté avec un geste d'impatience, elle se dit à elle-même « Comment quelques mots prononcés par cette femme ont-ils pu évoquer de nouveau dans ma pensée un fantôme que je croyais à jamais disparu ?» Se dirigeant alors vers un petit bureau, elle l'ouvrit et y prit le même paquet de lettres attaché par un joli ruban mauve, quadrillé d'argent, que nous avons déjà vu entre les mains de Miss Blake. Elle les déroula toutes jusqu'à ce qu'elle eût enfin trouvé celle qu'elle cherchait et qui portait la date du 19 octobre. En voici la teneur. « Il sait tout. Votre lettre d'hier soir est tombée entre ses mains. La colère d'Evrard ne saurait se décrire. Il n'a ni trépigné, ni ne s'est emporté, mais le regard qu'il attachait sur moi était froid comme la lame d'un poignard. Il sait maintenant ce qu'il soupçonnait depuis longtemps, que mon cœur ne lui a jamais appartenu, que c'est vous que j'aime, que j'ai toujours aimé, que j'aimerai jusqu'à la mort. » Il a haussé les épaules d'un air de souverain mépris quand je lui ai juré que nous n'étions pas aussi coupables, aussi méprisables que sans doute il se l'imaginait, me disant que pour lui, il n'était pas de plus grande faute que d'avoir trahi sa confiance. À ce moment, il est probable que je me suis évanoui car je ne me rappelle rien de plus. Quand je repris mes sens, Lucie me faisait respirer des sels. La pluie et le vent entrant par la fenêtre près de laquelle j'étais assise fouettaient mon visage glacé. « Oh, mon ami, de grâce, soyez calme, car mon cœur bat à tout rompre en songeant à ce qui peut advenir lorsqu'il vous reverra. Je crois pourtant que vous feriez mieux d'aller à la chasse demain, comme vous en aviez l'intention. Peut-être vous écrira-t-il, peut-être va-t-il vous poursuivre de ses fureurs. Ah, dites-lui que nous sommes toujours aimés, et que les vrais coupables sont ceux qui enchaînent une femme dans une union sans amour. Ah, il faut n'avoir jamais fait certains rêves, pour ne pas savoir que le cœur prend tôt ou tard sa revanche. Le mien crie vengeance contre cette imprudence fatale qui a fait mon malheur, le vôtre et le sien. Je ne puis vous en dire davantage, si ce n'est que je suis, dans le passé comme dans le présent, à vous, à la vie, à la mort. » Cette lettre n'était pas signée. Tout en la lisant, les yeux de Miss Blake s'étaient remplis de larmes. Une voix de jeune fille, voix qui résonnait dans le vestibule, toute sonore comme une clochette d'argent, fit tressaillir la tante Dorothée. Elle remit en toute hâte le rouleau de lettres dans le bureau, sans prendre le temps de les rattacher avec le ruban, puis elle ferma le tiroir à secret. À peine en avait-elle tourné la clé, que sa nièce Clémentine, accompagnée de Dulcie, fit irruption dans son réduit enchanté. Les jeunes filles causèrent gaiement avec tante Dora, comme elle l'appelait toutes. Tiny pria Dulcie de leur raconter le dîner de chez Madame Aspinall. « Je ne pouvais manquer de le trouver agréable, » dit-elle, « puisque Morton y était. Néanmoins, Lord Bevel, l'un des convives, avait, je crois, pris à tâche de nous taquiner, en s'immisçant sans cesse dans notre conversation. Quant à Madame Aspinall, elle a été pour moi si démonstrative, si affectueuse, que je n'ai pu m'empêcher de supposer qu'elle avait quelque projet en tête. J'ai cru qu'il y avait quelque anguille sous roche. Ah, le vieux serpent, qu'est-ce donc ? Tout simplement de devenir ma belle-mère. » Tiny partit d'un grand éclat de rire, disant « Ah, il n'y a pas de danger que votre père se laisse jamais fasciner par cette vieille coquette au charme à la fois suranné et usurpé. Il serait facile à Sir Edward Courtenay de faire d'autres conquêtes. Après 20 ans de veuvage, il n'est pas probable qu'il se remarie. N'est-il pas vrai, Dulcie ?»« À la vérité, je n'en ai aucune crainte, » répondit Dulcie. « J'espère que vous voudrez bien me garder à déjeuner, » ajouta-t-elle en s'adressant à tante Dora. « Je vous avouerai même que je me suis permis d'envoyer mes poneys à l'écurie. Ne me chassez pas, je vous en prie, chère tante. »« Je n'en suis nullement tentée, » riposta Miss Blake en embrassant tendrement sa future nièce. « Vous savez parfaitement tout le plaisir que me procure votre présence. Et quel jour de fête ce sera ici quand vous viendrez habiter sous ce toit ?» Ces mots furent prononcés d'un ton si sérieux et si tendre que Dulcie en fut tout impressionnée. Fine comme l'ambre, elle y vit une trace d'inquiétude mystérieuse qui ne laissa pas que de la préoccuper. Mais le nom de Morton, évoqué par Tiny, changea tout de suite la direction de ses pensées. « Comment Morton n'est-il pas encore ici ?» s'écria Clémentine. « J'avais bien entendu dire que l'amour est aveugle, mais non pas sourd. Or, c'est à croire qu'il l'est aussi, car autrement, Il eût dû distinguer entre toutes la voix de Dulcie dans le vestibule. « Ah, le monstre !» ajoutait-elle en riant. « Comme je vais le tirer par les oreilles !»« Ne le dérangez pas, je vous en conjure !» reprit Dulcie. « N'est pas lui, d'ailleurs, que je viens voir, mais tante Dora. Puis, voilà la cloche du déjeuner qui sonne. C'est un signal qui nous réunira tous. » En effet, les jeunes filles se poussèrent gaiement dans la salle à manger. Morton y entra par une autre porte. La conversation fut très animée pendant tout le repas. Miss Blake et son neveu y prirent peu de part. Les jeunes filles babillaient, riaient à l'envi, causant chiffons, romans et donnant aussi par-ci par-là un coup de dent au prochain. Lorsque le déjeuner fut terminé, Dulcie exprima le désir d'aller visiter les terres. Miss Blake s'excusa de ne pouvoir l'accompagner, vu qu'une affaire imprévue l'appelait à Highlayer. « J'espère bien, s'écria Tiny, que vous n'irez pas visiter cet horrible condamné dans son cachot pour lui lire la Bible et l'exhorter au repentir. C'est que vous en seriez bien capable. Rassurez-vous, mon enfant, je ne vais pas à la prison. Miséricorde pour tous, murmura Tiny. Puis, passant son bras autour de la taille de sa future belle-sœur, elle l'entraîna vers les serres où Morton les suivit. La société de Dulcie lui fit oublier un moment les perplexités qui l'assiégeaient depuis la fâcheuse visite de la fille de Vargas.